Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 8 mai. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de Nick Menacci, l'instructeur chef des Cougars de Chicoutimi, qui est en entrevue hier sur les ondes de danadosport.com pour parler du pré-camp des Cougars qui a eu lieu en fin de semaine. Et Nick Menacci s'est dit très heureux de la fin de semaine des Cougars. Vraiment bien passé, on est vraiment content. On est content de voir la progression de nos joueurs vétérans. Puis on était content aussi de voir là que plusieurs recrues qui se sont présentées qui étaient là, puis des joueurs qui vont être des joueurs d'impact dès l'automne prochain pour nous autres aussi. Ok. Dans un deuxième temps, Nick Menacci mentionne à quoi sert ces pré-camps. Apprendre les progrès puis le travail qu'on fait en off-season dans la salle, qu'on fait à la course, les gars courent deux fois par semaine, la musculation, les gars qui sont là trois fois, quatre fois par semaine. Ça nous permet de voir les gars qui se sont entraînés fort, les gars qui ont progressé. Puis ça nous amène aussi à voir un peu le travail qui est fait l'hiver, puis ça se transpose pendant le pré-camp. Donc on a des joueurs là qui ont bien performé, puis on se dit ils ont vraiment bien travaillé aussi au niveau physique, ils ont pris du poids, sont physiquement plus forts. Ben il y a des joueurs que ça a apparu là. Vraiment là, on a vu une différence là à ce niveau là. Et dans ce dernier temps, Nick Menacci est quand même content du rendement des joueurs du haut du lac. Dans mes vétérans qui sont avec moi là, depuis 2-3 ans, là, Vincent Rodrigue, Maxime Gay, Alexis Thibault, Simon Grimard, Marc-Antoine Jean qui est là depuis 4 ans. Puis les deux nouveaux venus, là, nos deux transferts de Division 1, Alexis Bradette, Vincent Bouchard. On a vu des belles progressions chez nos vétérans. Puis on a pu voir pourquoi Alexis Bradette et Vincent Bouchard ont été recrutés en Division 1 parce que c'est des joueurs qui peuvent avoir un impact avec l'équipe rapidement. OK. Bonne nouvelle, le gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda, Samuel Harvey, a été choisi. Le gardien de but de la semaine dans la Ligue canadienne de hockey, c'est la deuxième fois durant la période des séries éliminatoires que Samuel Harvey obtient cet honneur. Au cours de la dernière semaine, Harvey, qui a conservé quand même une moyenne de 2,80, a eu une moyenne de pourcentage d'arrêt de 922 et un bilan de une victoire et une défaite. Et le regroupement sport étudiant du Saint-Lac-Saint-Jean va faire le mérite sportif qui aura lieu le 15 de mai prochain. On va vous donner quelques personnes qui sont en nomination. Donc, l'étudiant à tête au niveau collégial, Héloïse Ross Tremblay en volleyball, Gabriel Morissette du Cégep de Jonquière et Mireille Dumas en volleyball du Collège allemand vont se mériter ou encore vont se partager l'honneur. L'étudiant maintenant au niveau collégial, c'est Jimmy Larose. Il sera en nomination avec Pierre-Yves Normandin à Cross Country, qui est du Cégep de Jonquière, et aussi Marc-Antoine Massé, qui est du Collège d'Allemagne. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, plusieurs intervenants dans le monde du sport. On a d'abord parlé avec Nick Menacci, qui est l'instructeur des Gaillards de Chicoutimi, pour parler du pré-camp qui a eu lieu au cours de la dernière semaine. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.